Tous les marins ne sont pas natifs de Brest ou de Toulon. Beaucoup d'entre eux viennent des provinces les plus reculées de notre pays. C'est pour les honorer qu'a été composée la marche « Marins de France ».